C'est assez comme tu m'aimes. Je suis fou quand je te fais de la peine. Tu m'as tant donné, tant d'ivresse inespérée. C'est assez comme tu m'aimes. Maintenant je le sais. Il aura fallu s'approcher tout au bord de la falaise. C'est assez comme tu m'aimes. Je ne douterai plus jamais. Ses ventres et pleure dans mon ventre. C'est assez comme tu m'aimes. J'y crois bien plus fort qu'en moi-même.